Şimdi tam bir günle önden bir atak kurulu var. Que vous indiquez, en fait, så många som är tekniska. Det var det som jag fick bära till Lappia. Today. Is that a deed of the day drain itself? Is that wrong, Joe? It's a false shot, he just pulled and you feet. I left for that. You're not on you. Oh, then I'm not saying good. Explication, let's not. Is that the right way, the idea of a good place? Direct what you practice for naturellement, en fait, la question écarte ça. Je veux dire que ça fait remarquer. C'est que le raisonnement mathématique a son intérêt. Je dirais à partir d'efficace, de créateur, de quoi je suis issu de l'or, du raisonnement. Mais seulement son départ, à savoir une intuition originale, et que celle Go! Because you see, on a fait suivre l'histoire de la manipulation du petit grand lettre de l'autre alphabétique divers. Plusieurs lettres grecques, une lettre germanique, plusieurs lots alphabétiques. De manipulation. Pas, vous avez à partir. veillez, voilà, à égale distance, entendez bien, chacun, tous les autres, que vous fabriquiez une cinquième dimanche, une quatrième dimanche. Voilà. Bien sûr, alors, c'est cela qui résulte. natureza, se acerte a ela, fuga, pluie, coup de choc. Une lettre n'arrive à destination qu'approuver celui que l'on couvre dans la lettre volée. Je désigne le terme du sujet. Il n'est pas du tout à éliminer d'aucune façon ni à tirer. Son destin était fait pour se donner à lui-même. Parce que du pain écrit comme message, Voilà ce que je leur ai dit. À propos de

cette grâce de Dieu. Il y a une fonction. Et presque, quand on en parlait, celle que le Père est là. Le Père est là pour s'occuper à reconnaître dans sa fonction radicale. Le Père qu'il a toujours manifesté chaque fois qu'il s'agit dans le pays, nous a un exemple. C'est pas pour rien que preuve. Il a échoué là. Dès qu'il y a une fonction tout à fait essentielle, il faut bien se réserver comme étant à l'origine. Après, proprement parler de l'Église. C'est ce que j'appellerais le pape lui-même. Sa fonction, c'est l'être en location. de la femme n'a rien à faire. Et justement, c'est pour ça qu'elle n'existe pas. C'est quand on peut la femme, elle n'a rien à faire avec la loi. Comment concevoir ce qui s'est passé? On fait quand même l'amour. Hein? On fait quand même l'amour et on s'aperçoit, dans un du moment où on s'y intéresse, donc il s'est toujours intéressé. On a perdu la clé, ça va être pour nous-mêmes. Et pour nous, au cœur, florescence de l'air perdu, nous apercevons qu'il en est sa preuve. C'est quoi? Quand il s'agit de structure, de faire fonctionner au moyen du symbole, qui fait obstacle, c'est que la jouissance s'en mêle. La jouissance sexuelle est-elle traitable directement? Elle ne l'est pas. Et c'est en cela, disons qu'il y a plus qu'il y a la parole. Le discours commence de ce qu'il y ait là, Léon. Ne pas en rester là. Veut dire, refuse la position d'origine. Et à mon tour, rien ne nous empêche de dire que c'est parce que le discours commence que la mélange se produit. C'est tout à fait la différence pour le résultat. Il y a certains qui sont impliqués dans la méance. Et comme il y a parlé d'un langage, il ne s'enlève en temps. La symbolisation de la jouissance sexuelle, ce qui rend évident que je suis en train d'en articuler, c'est qu'elle emprunte tout son symbolisme à quoi? À ce qui ne la concerne pas. À savoir, à la jouissance en tant qu'elle est interdite par certains confus. Confus, ce n'est pas tellement ça. Nous sommes arrivés à l'articuler parfaitement. Le nom, principe, l'esprit, ne peut avoir qu'un sens par autre jouissance. Parce que le jouissant, de toutes les jouissances, confine à la souffrance. C'est même à ça que nous reconnaissons la vie. Non, ne souffrez pas même sexuellement, nous ne sortons pas de l'existence. Il est donc que le fait que la puissance sexuelle n'est trouvée pour se structurer que la référence à l'interdit en tant qu'un homme de la jouissance, c'est une jouissance qui n'est pas telle, qui est cette dimension de la jouissance, qui est à proprement parler de la jouissance française. En d'autres termes, que ça Ti rige sul corpo e te mia, se ti sei morto puoi darete il portiere o il confine. Allora vi sono morte e rejoint la dimension du sexuel qu'a porté l'interdit sur le corps. Je ne vais pas avec les lettres qui sont d'usage habituel Mais il fait ça. Il fait ça universel, affirmatif. Nico. Il écrit ça. Universel négatif. C'est ce que ça veut dire. Le micro, non. Allez chercher. Non, vous ne pouvez pas le faire. C'est particulière affirmative, c'est particulière négative. Je fais remarquer vos niveaux de l'articulation aristotélicienne. C'est entre ces deux mots, puisque c'est à Aristote que c'est catégories propositionnelles sont empruntées. C'est entre ces deux mots que se crée la discrimination logique. L'universel affirmative énonce une essence. J'ai assez souvent insisté dans le passé. De l'énoncer tout près et vertical, mais qu'il est parfaitement compatible avec ceci. Il n'existe aucun trait. L'essence se situe essentiellement dans la logique. Elle est plus énoncée ce qu'il faut. La discrimination logique, son axe essentiel dans cette articulation. Très exactement, cet axe oblique que je viens de dire. Le B, rien ne va contre un énoncé logique quelconque. Si ce n'est il y en a qui portent particulières négatives, il y en a des traits qui ne sont pas réticaux. C'est la seule contradiction qui puisse se faire contre l'affirmation que c'est un trait d'essence. Les deux autres termes sont dans le fonctionnement de l'logique aristotélicienne, tout à fait secondaire. À savoir, il y en a qui, affirmative particulière, et après, il y en a qui, comment savoir, c'est nécessaire, ou pas, ça ne prouve rien. Pas du tout, hein. C'est de l'écrit. Sartina, comme vous allez le voir. Bon, Sartine. Ah oui, elle est de lui. Donc, il a particulière, elle est de lui. Est-ce que... Ça, c'est une preuve à exprimer que c'est une négative. Comment le crime? Je suis frappé de dessous que ça n'a jamais été vraiment articulé comme je vais le faire. C'est qu'il faut que vous mettiez la barre de la négation au-dessus de être. Et non pas du tout au-dessus, comme il se fait habituellement, des deux. Vous allez voir pourquoi. C'est que de quelque X que vous parliez, is no faux pas, it's everything. C'est de même pour la particulière négative. Le domaine ici est de X de X. Pouvait être écrit, était recevable, inscriptible dans cette formule. Voilà. Ici, simplement ce qui est dit, c'est une vieille base inscriptible. Qu'est-ce à dire? Si de ces deux structurales est resté en quelque sorte négligé sans valeur, à savoir l'universel négatif, l'universel négatif en tant que permet de dire il ne faut pas écrire ceci. Si vous parlez d'un X quelconque, en d'autres termes, que c'est ici que fonctionne une coupure essentielle. C'est cela même autour de quoi s'articule ce qu'il en est du rapport sexe. La question est que ce qui ne veut pas s'écrire dans la fonction SE, à partir du moment où se dit la fonction SE est elle-même à la fin d'écrit. C'est-à-dire qu'elle est, je l'ai dit tout à l'heure, et